À l'occasion de la Journée du Soleil, la délégation de la Société d'études du Kimilsunisme Kimjongisme du Japon, conduite par Iie Masazi, co-représentant de l'Association de liaison nationale pour l'étude du Kimilsunisme Kimjongisme, la délégation du Comité national finlandais pour l'étude des études jutsu, conduite par son président Juha Kieksi, la délégation de l'Association britannique d'études de la politique de Sungun, conduite par son président Domoto Hadassun et Yuri Anisimov, représentant de l'Association ukrainienne d'études des études jutsu épée de Sungun, sont arrivés le 11 à Pyongyang par avion. Précédemment, la délégation de l'Organisation d'études des études jutsu de Thaïlande, conduite par son président Sanchit Plap et le président Roland Bilem Bukelenge du Cercle d'études de la politique de Sungun de l'Université Bandundu du Congo démocratique, sont venus à Pyongyang.